Scène dernière, Aaron's Buildings, chapitre 1er. Le 7 du mois de juin, les propriétaires du navire de commerce La Délivrance apprirent que ce bâtiment avait touché à Plymouth pour y débarquer des passagers et continuer ensuite son voyage de retour jusqu'au port de Londres. 5 jours plus tard, le navire était en rivière et fut remorqué dans les docks des Indes orientales. Après avoir accompli à terre toutes les formalités de débarquement qui dégageaient sa responsabilité personnelle, le capitaine Kirk prit par écrit les arrangements nécessaires pour aller, le 17 du mois, faire une visite à son beau-frère dans ce presbytère du Suffolk où déjà nous avons été introduits. Ainsi qu'il est d'usage en pareil cas, il reçut une liste de commissions à exécuter pour sa sœur la veille de son départ. L'une d'elles devait le conduire aux environs de Camden Town. Il partit des docks, en voiture, pour cette destination, et la commission faite, renvoya son cab, s'en revint dans la direction du sud, du côté de New Road. Il ne connaissait pas fort bien ce quartier, et d'ailleurs, à mesure qu'il marchait, son attention s'était peu à peu distraite de la scène qu'il avait sous les yeux. Ses pensées, auquel la perspective de revoir sa sœur communiquait une espèce d'agitation, avait évoqué le souvenir de la nuit où il s'était séparé d'elle, quittant à pied la modeste maison curiale. Le charme jeté sur lui d'une façon si étrange à ce moment du passé n'avait pas cessé de le dominer à travers tous les incidents survenus depuis. Ce visage qui le hantait jadis sur la route solitaire l'avait encore hanté sur la solitude des mers. La femme qui l'avait suivi comme dans un rêve, jusqu'à la porte de sa sœur, l'avait suivi, pensée intime, esprit familier, jusque sur le pont de son navire. Pendant son voyage en Orient, mêlé de calmes et de tempêtes, comme pendant les calmes et les tempêtes du voyage qu'il avait ramené en Angleterre, elle ne l'avait point quitté. Dans ce tumulte et ce mouvement incessant des rues de Londres, elle l'accompagnait encore maintenant. Il savait d'avance quelle question sortirait la première de ses lèvres dès qu'il aurait embrassé sa sœur et les enfants de sa sœur. « Je tâcherai de parler d'autre chose, » pensait-il. « Mais quand Lizzie et moi nous nous retrouverons tête à tête, je ne pourrai retenir cette maudite question. » La nécessité d'attendre au tournant d'une rue avant de traverser le défilé d'une série de charrettes rendit le capitaine au sentiment des choses présentes. Il regarda autour de lui, non sans un trouble de quelques instants. Il était dans une rue à lui inconnue, il avait perdu son chemin. Le premier piéton auquel il demanda des renseignements parut trop pressé pour les lui donner bien complets. Après lui avoir conseillé fort à la hâte de traverser la chaussée, de tourner dans la première rue à main droite et de s'informer une fois là, l'étranger continua sa route à grands pas et sans même attendre qu'on lui remerciait. Kirk suivit ses indications et tourna sur la droite. La rue était étroite et courte. Les maisons dont elle était bordée offraient à l'œil le plus misérable aspect. Levant les yeux au coin de cette ruelle pour savoir quel nom elle portait, il lut ces mots « Aaron's Buildings ». Un peu plus loin, sur le trottoir qu'il longeait, quelques oisifs s'étaient groupés autour de deux cabs amenés tous deux devant la porte de la même maison. Kirk s'approcha du groupe afin de demander son chemin à quelque nouvel informateur plus poli et moins pressé que le premier. Arrivé près des voitures, il trouva une femme en dispute réglée avec les cochers et vérifia que cette querelle roulait sur un malentendu. On avait par erreur appelé 2 fiacres, alors qu'un seul devait être requis. La porte de la maison était ouverte, et au moment de passer outre, il jeta facilement un regard dans le corridor par-dessus les têtes des gens placés devant lui. Le spectacle qu'il eut alors sous les yeux était de ceux qu'une pitié, bien entendu, aurait dû soustraire au regard des passants. Il vit une jeune fille, misérablement vêtue et dont le visage avait une expression d'effroi, debout auprès d'un vieux fauteuil placé au milieu du passage et sur lequel elle maintenait, tant bien que mal, une femme trop faible, trop épuisée pour s'y soutenir elle-même. Une femme qui semblait au dernier degré de quelque maladie grave et qu'on allait sans doute emporter, la dispute une fois réglée, dans l'un ou l'autre des 2 cabs. Sa tête, au moment où Kirk la vit d'abord, avait fléchi sur sa poitrine, et un vieux châle dont elle était coiffée tombait en avant de manière à masquer la partie supérieure de son visage. avant que le regard de Kirk se fût détourné d'elle. La jeune fille qui avait soin de la malade releva ses têtes abattues et remit le châle en place, mouvement qui, pendant une seconde seulement, et avant que sa tête retombât sur sa poitrine, laissa voir la figure de la misérable femme. Or, en cette seconde unique, le capitaine revit celle dont la beauté avait laissé dans sa vie un souvenir ineffaçable, celle dont l'image, il n'y avait pas 5 minutes, s'offrait à sa pensée sous les plus vives couleurs. Le choc simultané de ces deux perceptions, celle du visage lui-même, celle du terrible changement qu'il avait subi, ôta au capitaine Kirk, pour un instant du moins, toute parole et toute idée. Cette présence d'esprit si ferme, que nulle crise n'ébranlait, et qui était devenue l'habitude de toute sa vie, lui manqua pour la première fois. La rue misérable, le groupe sordide entassé près de la porte, flottèrent devant ses yeux. Il recula, chancelant, et se prit pour ne pas tomber à la grille de la maison qu'il avait derrière lui. « Où va-t-on la conduire ? » demandait une femme près de lui. « À l'hôpital, s'ils en veulent, » lui fut-il répondu. « S'ils n'en veulent pas, à la maison de travail. » Cette réplique horrible le ranima. Il se fraya tout aussitôt un chemin parmi la foule et pénétra dans la maison. Le malentendu venait justement de s'éclaircir et l'un des caves était parti. Au moment où Kirk franchit le seuil de la porte, les gens de la maison s'apprêtaient à transporter la pauvre femme. D'un côté du fauteuil était le cocher définitivement retenu, de l'autre, la femme qui naguère tenait tête aux deux cabmen. Ils soulevaient déjà leur fardeau lorsque la grande taille de Kirk projeta son ombre dans le couloir. « Que faites-vous de cette dame ? » demanda-t-il. Le cocher leva sur lui des yeux où se lisait déjà quelque insolente réponse. Mais, plus prompte que lui, la femme devina l'agitation contenue qui se laissait entrevoir sur le visage de Kirk, et tout aussitôt elle lâcha le fauteuil. « La connaîtriez-vous par hasard, monsieur ? » demandait-elle avec empressement. « Seriez-vous un de ses amis ? » ?»« Oui, » répondit Kirk sans hésiter. « Tout ceci n'est pas de ma faute, monsieur, » reprit la femme en s'excusant, et un peu intimidée par le regard sévère qui planait sur elle. « Je n'eusse pas demandé mieux que d'attendre l'arrivée de ses amis. En toute vérité, je n'eusse pas demandé mieux. » Kirk ne répondit rien. Il se détourna et, s'adressant au cocher, « Sortez et fermez la porte après vous. Je vais vous envoyer votre argent. Quelle est la chambre d'où vous avez enlevé cette dame pour la transporter ici ? » reprit-il, interpellant cette fois la femme qui avait porté la parole. « Celle du fond, au premier, monsieur. Montrez-moi le chemin. » Il se pencha et souleva Magdalène dans ses bras. La tête de la pauvre enfant se posa doucement sur la poitrine du marin, et vers le visage du marin se levèrent ses grands yeux étonnés. Elle lui souriait et lui adressait tout bas quelques paroles incohérentes. Le désordre de ses pensées la ramenait au temps d'autrefois, passé sous le toit de la famille, et les paroles inarticulées qui se succédaient çà et là sur ses lèvres montrèrent qu'elle se croyait de nouveau, tout enfant, dans les bras de son père. « Pauvre papa, » murmura-t-elle à demi-voix, « pourquoi donc avez-vous l'air si triste ? Dites, dites, pauvre papa !» La maîtresse de la maison les conduisit au premier, dans cette chambre du fond qu'elle venait de mentionner. Petite chambre, en vérité, pourvue d'un mobilier misérable. Mais l'étroite couchette était garnie de draps blancs, et les quelques objets qui meublaient la pièce étaient entretenus avec soin. Kirk déposa Magdalène sur le lit avec toutes sortes de ménagements. Elle retint entre ses doigts brûlants une des mains qui venait de lui rendre ce service. « N'inquiétez pas, maman, sur mon compte, » disait-elle. « Envoyez chercher Nora. » Kirk essaya de dégager doucement sa main, mais l'étreinte n'en devint que plus forte et plus passionnée. Il s'assit alors à côté du lit pour attendre qu'il convînt à la malade de le laisser aller. La maîtresse du logis, toujours debout et les regardant, pleurait dans un coin de la chambre. Kirk l'observait avec attention. « Parlez, » lui dit-il après un moment, d'une voix qu'il sut rendre calme. « Parlez devant elle et dites-moi toute la vérité. » La femme parla sans ménager ni les mots ni les pleurs. Elle avait loué son premier étage à cette dame il y avait de cela 15 jours. La dame avait payé 8 jours d'avance et s'était inscrite sous le nom de Gray. Pendant les 3 premières journées, elle sortait du matin au soir et rentrait, chaque fois, avec l'air d'une personne épuisée de fatigue et attristée par quelques désappointements. Aussi, la maîtresse du logis l'avait-elle soupçonné de se dérober à ses protecteurs naturels en s'abritant sous un faux nom. Ses longues sorties, ses tristes retours pendant les 3 premières journées attestaient sans doute de vaines tentatives pour se procurer de l'argent ou du moins quelque travail. Quoi qu'il en fût, elle était tombée malade le 4e jour avec des alternatives réitérées de chaud et de froid. Le 5e jour, elle se trouvait plus mal et le 6e, elle était alternativement ou trop somnolente ou trop peu raisonnable pour qu'on pût rien tirer d'elle. Le pharmacien qui, dans ce quartier, exerçait la médecine, était venu l'examiner et avait déclaré qu'il la croyait aux prises avec une fièvre maligne. Il l'avait laissé une potion saline que la maîtresse du logis avait payée de sa poche et administrée sans résultat. Ensuite, elle s'était hasardée à visiter l'unique malle que la dame eût apporté avec elle et n'y avait rien trouvé, sauf quelques objets de lingerie, sans robe, sans bijoux, sans le moindre fragment de lettre qui pût aider à découvrir les amis de la malade. Entre le risque de la garder chez elle en de pareilles circonstances et la barbarie de jeter dans la rue une femme en pareil état, l'hôtesse elle-même n'aurait pas hésité. Elle eût volontiers gardé sa locataire dans l'espoir que celle-ci se rétablirait et avec la chance de voir ses amis lui venir en aide. Mais il n'y avait pas une demi-heure de cela, son mari, qui rarement approchait de chez elle, à moins que pour la dépouiller de l'argent qu'elle avait pu gagner, était venu, selon sa coutume, la mettre à rançon. Il avait bien fallu lui avouer que le premier étage ne payait pas son loyer et qu'il ne paierait pas, selon toute probabilité, à moins que la dame ne se rétablît ou que ses amis ne vinssent à trouver sa trace. Ainsi mis au courant, le mari avait exigé sans pitié que, malade ou bien portante, la dame fût expulsée. On pouvait l'emmener à l'hôpital et son lit frappait vainement pour elle, il y avait encore à tenter de la faire admettre dans la workhouse. Que s'il n'était pas hors de la maison dans le délai d'une heure, il reviendrait, lui, la mettre à la porte. Or, sa femme savait à merveille qu'il était assez brutal pour tenir une telle parole. Il ne lui restait donc d'autre alternative, dans l'intérêt de la dame elle-même, que d'agir ainsi qu'elle l'avait fait. Cette femme, en racontant sa révoltante histoire, avait tout l'air d'en éprouver une honte sincère. Au moment où elle l'achevait, Kirk sentit se relâcher autour de sa main l'étreinte des doigts fiévreux. Ses regards se portèrent de nouveau vers le lit. Les yeux appesantis de Magdalene commençaient à se fermer, et le visage encore tourné du côté du marin, elle s'affaissait dans le sommeil. « Personne n'occupe-t-il la chambre du devant ? » demanda Kirk à voix basse. « Venez-y avec moi, j'ai quelque chose à vous dire. » La femme le suivit par la porte de communication pratiquée entre les deux pièces. « Combien vous doit-elle ? » demanda le capitaine. La maîtresse du logis fit connaître le chiffre de sa petite créance. Kirk déposa l'argent sur une table placée devant elle. « Où est votre mari ? » demanda-t-il encore. « Au cabaret, monsieur, en attendant que l'heure soit écoulée. »« Vous pouvez lui apporter ou non cet argent ? » reprit Kirk du plus grand sang-froid. « Je n'ai, par rapport à cet homme, qu'une chose à vous dire. Si vous voulez voir en miettes tous les os que sa peau recouvre, vous n'avez qu'à le ramener ici pendant que j'y suis encore. » « Un instant. Un mot de plus. Connaissez-vous dans le voisinage quelques docteurs sur qui l'on puisse compter ?»« Pas dans notre voisinage, monsieur, mais j'en connais un qui loge à une demi-heure d'ici. »« Prenez la voiture qui est encore à la porte, et si vous le trouvez chez lui, ramenez-le-moi. Dites-lui que j'attends ici pour connaître son opinion sur un cas très grave. Il sera bien payé. Vous le serez de même. Dépêchez-vous. » La femme quitta aussitôt la chambre. Kirk qui resta seul, assis, attendant qu'elle revînt. Il tenait sa tête à deux mains et s'efforçait de se bien convaincre que la situation étrange et touchante où un simple accident venait de le placer n'était pas en définitive une vaine chimère. Caché sous un faux nom dans une des plus infimes ruelles de Londres, abandonné sans amis et sans secours à la merci d'étrangers, réduite à une impuissance absolue tant d'esprit que de corps par le mal qui la dévorait, c'est ainsi qu'il retrouvait la femme qui avait ouvert à son intelligence une nouvelle conception de la beauté, la femme dont un regard avait fait naître en lui, pour la première fois, un amour jusqu'alors inconnu. Quelle horrible infortune l'avait donc si cruellement frappé et fait tomber si bas. Quelle mystérieuse destinée l'avait amené, lui, dans ce dernier asile de sa pauvreté, de son désespoir, à l'heure même de leurs plus rudes épreuves. S'il est décrété que je dois la revoir, je la reverrai. » Ces paroles, alors, revinrent à son esprit, ces mémorables paroles qu'il avait prononcées en prenant congé de sa sœur. Cette pensée au cœur, il était allé où son devoir l'appelait. Des mois s'étaient écoulés. Sur des milliers de lieues, l'océan avait étendu entre eux l'immense barrière de ses flots mobiles. Et durant ce long laps de temps, et sur ces grands espaces que couvrent les mers, jour après jour, nuit après nuit, tandis que les vents du ciel soufflaient, tandis que le bon navire avançait, aidé par eux, il se rapprochait lui aussi, sans le savoir, du but que la Providence lui avait assigné. Il se dirigeait, les yeux fermés, vers le seuil de cette misérable porte où il était écrit qu'ils se rencontreraient l'un et l'autre. « Qui donc m'a conduit ici ?» se disait-il tout bas à lui-même. « Serait-ce la grâce du hasard ?»« Non, certes, c'est la clémence de Dieu. » Il attendit, sans songer à l'endroit où il se trouvait, sans se rendre compte du temps écoulé, jusqu'à ce qu'un bruit de pas sur l'escalier vint tout à coup se placer entre lui et ses pensées. La porte s'ouvrit, et le médecin fut introduit dans la chambre. « Le docteur Merrick, » dit la maîtresse du logis, avançant un fauteuil pour le faire asseoir. « Monsieur Merrick, » reprit le visiteur tout en s'asseyant avec un tranquille sourire, « je ne suis pas un médecin proprement dit, je suis un chirurgien, exerçant indifféremment les deux branches de mon art. » Médecin ou chirurgien, il y avait, dans son attitude et sa physionomie, de quoi rassurer Kirk à première vue. Après quelques paroles préliminaires échangées des deux côtés, Mr. Merrick dépêcha l'hôtesse dans la chambre à coucher afin de savoir si la malade dormait ou non. Cette femme revint, disant qu'elle était entre le sommeil et la veille, déraisonnant de plus belle et la peau brûlante. Le docteur passa aussitôt dans la chambre à coucher, enjoignant à l'hôtesse de le suivre et de refermer la porte derrière elle. Il se passa quelque temps avant qu'il revînt dans la pièce où il avait laissé le capitaine. Quand il reparut, et avant qu'on eût le temps de lui adresser aucune question, son visage avait déjà parlé. « Serait-ce une maladie sérieuse ?» dit Kirk, dont la voix avait faibli et dont les regards demeuraient fixés sur ceux du médecin. « C'est une maladie dangereuse !» répondit Mr. Merrick, prononçant ce dernier mot avec une emphase toute particulière. « M'autorisez-vous, lui demanda-t-il ensuite, à vous poser quelques questions qui ne sont pas, rigoureusement parlant, du ressort de la médecine ?» Kirk s'inclina. « Pouvez-vous me dire ce qu'était la vie de cette jeune personne avant son arrivée dans cette maison et avant qu'elle tombât malade ?»« Il m'est impossible de le savoir. Je viens de rentrer en Angleterre après une longue absence. » »« La saviez-vous ici ? Un accident seul m'a fait l'y découvrir. » N'a-t-elle aucun parent de son sexe, ni mère, ni sœur, ni personne pour prendre soin d'elle, si ce n'est vous ? Personne, à moins que je ne parvienne moi-même à trouver ses parents. Personne que moi. Mr. Merrick se taisait. Il regardait Kirk avec plus d'attention que jamais. Voilà qui est étrange, pensa le docteur. Il se trouve ici, seul chargé d'elle, et c'est tout ce qu'il sait. Kirk s'aperçut fort bien du doute qu'exprimait le visage du médecin. Et avant qu'une autre parole fût échangée entre eux, il s'en prit directement à ce doute. « Je vois, lui dit-il simplement, que ma position ici vous étonne. Consentirez-vous à la regarder comme celle d'un parent, celle d'un père ou d'un frère qu'elle aurait, jusqu'à ce qu'on ait pu retrouver ses amis ?» La voix lui manquait, et posant la main sur le bras du docteur par un geste où se trahissait sa préoccupation passionnée, « Je me suis donné cette mission, » dit-il, « et j'en prends Dieu à témoin, qui plus tard sera mon juge. Vous ne me trouverez pas indigne de le remplir. » Au moment où il prononçait ces paroles, il lui semblait avoir de nouveau sur sa poitrine la tête fatiguée qui naguère s'y posait, et autour de sa main, il sentait encore l'étreinte fiévreuse de ses doigts brûlants. « Je vous crois, » dit le médecin avec chaleur. « Je crois que vous êtes un honnête homme. Pardonnez-moi d'avoir paru vouloir m'imposer à votre confiance. Je respecte votre réserve, qui désormais sera pour moi sacrée. Laissez-moi vous dire, afin de parer à toute mauvaise interprétation, que mes questions ne m'étaient point suggérées par une vaine curiosité. La maladie qui retient sur ce lit la personne confiée à mes soins ne saurait s'expliquer par aucune des causes ordinaires. Cette jeune femme a dû subir quelques longues épreuves intellectuelles. Quelques anxiétés terribles semblent peu à peu avoir usé ses forces, et sous ces anxiétés, elle a fini par fléchir. J'aurais pu puiser quelque assistance dans une notion plus exacte, et de cette épreuve même, et du temps plus ou moins long qui s'est écoulé avant qu'elle succombât. C'est dans cet espoir que j'ai parlé. En disant qu'elle est dangereusement malade, reprit Kirk, entendez-vous parler d'un danger qui menace sa raison ou d'un danger qui menace sa vie? Toutes deux sont en péril, répliqua Mr. Merrick. Le système nerveux chez elle a fléchi tout entier. Les fonctions ordinaires de son cerveau sont engourdies et comme affaissées. Je ne saurais vous donner d'autre explication que celle du mal lui-même et de sa véritable nature. Cette fièvre, dont s'effarouchent les gens de la maison, n'est autre chose qu'une simple résultante symptomatique. La véritable cause est celle que je vous ai dite. Notre malade peut avoir encore bien des semaines à rester sur ce lit, passant alternativement, sans en avoir conscience, d'un état de délire à un état d'anéantissement. Si vous voyez son sommeil se prolonger au-delà des limites ordinaires, il ne faudra pas vous alarmer. Ce sommeil est un remède bien meilleur que tous ceux dont je dispose, et il faut le respecter à tout prix. Ce que nous pouvons faire, nous, se borne à ceci, veiller sur elle, l'aider de temps à autre par quelques stimulants, et attendre ce que la nature voudra faire pour elle. Faut-il donc la laisser là? Ne pouvons-nous la croire en état d'être transportée dans une meilleure résidence? Pour le moment, cette pensée nous est interdite. On a déjà, autant que je le puis comprendre, troublé ce sommeil réparateur, et par cela même compromis gravement la situation. Même alors que la maladie irait mieux, même alors qu'elle reviendrait à elle, ce serait encore une périlleuse tentative que de vouloir trop tôt la transporter hors d'ici. La moindre agitation, la moindre alarme lui serait fatale. Il faut tirer tout le parti possible de cet appartement tel qu'il se trouve. L'hôtesse a déjà reçu mes instructions, et j'enverrai pour l'aider une excellente garde-malade. Pas autre chose à faire provisoirement. Autant qu'on peut regarder sa vie comme entre les mains d'un homme quelconque, elle est dans les vôtres désormais, au même degré que dans les miennes. Tout dépend des soins qu'on aura d'elle dans cette maison, et c'est à vous qu'il appartient de les diriger. Tels furent les adieux du médecin au moment où il se leva pour quitter la chambre. Kirk, resté seul, se dirigea vers la porte de communication et, y frappant un petit bruit, fit signe à l'hôtesse qu'il désirait s'entretenir avec elle. Il était beaucoup plus calme et avait repris beaucoup de la résolution qui le caractérisait depuis la conférence avec le médecin. Un homme habitué à vivre dans cette atmosphère sociale toute factice que celui-ci n'avait jamais respirée aurait été péniblement affecté par le côté mondain de la situation, ce qu'elle avait d'inusité, ce qu'elle avait d'étrange, les embarras sérieux où elle le plaçait actuellement, les mauvaises interprétations, les calomnies auxquelles elle l'exposait pour l'avenir. Kirk n'accorda pas même une pensée aux difficultés d'une telle position. Il n'envisagea que les devoirs auxquels il était convié, devoirs que les adieux du médecin avaient précisés pour lui. Tout devait dépendre des soins que l'on prendrait de la malade, et la direction de ces soins lui était confiée. Telle était la responsabilité qu'il prit, sans autre réflexion, pour règle de sa conduite, ainsi qu'il l'eût fait dans un danger pressant, s'il se fût agi de sauver des femmes et des enfants embarqués à bord de son navire. Il questionnait l'hôtesse en termes laconiques et qui allait droit au fait. Le seul changement qu'on pût noter en lui était le ton de sa voix, remarquablement atténué, puis les regards inquiets qu'il jetait par moments du côté de la chambre où reposait Magdalène. « Vous comprenez bien ce que vous a dit le médecin ?»« Oui, monsieur. Il faut du calme dans cette maison. » Par qui est-elle habitée? Par moi et ma fille, monsieur. Nous occupons les salons d'en bas. Depuis la fête de Notre-Dame, les choses ont bien mal tourné pour nous. Les deux chambres de l'étage au-dessus sont à louer. Je les prends toutes deux, ainsi que celle de l'étage au-dessous. Connaissez-vous quelque brave homme, alerte et honnête, que je puisse employer à mes commissions? Oui, monsieur. Faut-il aller? Non. Envoyez votre fille. Vous ne devez pas quitter la maison que la garde-malade ne soit arrivée. Ne faites pas monter le commissionnaire. Ces hommes-là ont le pied lourd. Je descendrai pour lui parler à la porte. » Il descendit en effet. Le message est venu, et d'abord lui donna mission d'aller lui acheter tout ce qu'il fallait pour écrire. Cet homme fut ensuite expédié à la recherche de quelqu'un qui voulut bien se charger d'amortir le bruit des voitures roulant dans la rue, en répandant du temps devant la porte, ainsi que cela se pratique. Cette opération terminée, le commissionnaire reçut deux lettres apportées à la poste. La première était adressée au beau-frère de Kirk. Elle lui racontait brièvement et simplement ce qui était advenu, et lui confiait le soin de le communiquer à sa femme, au moment et avec les détails qu'il jugerait les plus convenables. La seconde lettre était adressée au propriétaire de l'hôtel d'Aldborough. Le nom que Magdalen avait pris à North Shingles était le seul que le capitaine lui eût jamais connu, et l'unique chance qu'il eut, à son avis, pour retrouver les parents de la jeune femme était de se procurer quelques renseignements sur ce qu'étaient devenus, à partir d'Aldborough, les deux personnages qui jouaient auprès d'elle les rôles d'oncle et de tante. Vers la fin de l'après-midi, une femme d'âge mûr et d'aspect décent arriva portant une lettre de Mr. Merrick. « Elle lui était bien connue, disait-il, et durant une maladie de sa propre femme, avait su mériter à tous égards la confiance dont il lui donnait une nouvelle preuve. Elle serait d'ailleurs assistée de temps à autre par une dame affiliée à une association religieuse du district, cette dame m'ayant témoigné un vif intérêt pour la situation critique où se trouvait Magdalen. Ce soir-là même, vers 8 heures, le docteur viendrait en personne s'assurer que sa malade ne manquait de rien. » L'arrivée de la garde-malade et la certitude qu'on pouvait avoir confiance en elle permirent à Kirk de s'occuper enfin de lui-même. Ses bagages étaient déjà prêts en vue du voyage dans le Suffolk, voyage projeté pour le lendemain. Il n'y avait plus qu'à les transporter de son hôtel dans la maison meublée d'Aaron's Buildings. En regagnant son domicile provisoire, il ne fit qu'une halte, et ce fut pour s'arrêter devant un marchand de joujoux dont l'étalage somptueux avait appelé ses regards. Il y avait là de petites réductions de navires qui lui rappelèrent son neveu. « Mon petit homonyme, pensait-il, sera cruellement désappointé en ne me voyant pas arriver demain. Il faut lui trouver une compensation qui le dédommage de cette déconvenue. » Il entra donc dans le magasin et acheta un des navires qu'il fit emballer sous ses yeux après en avoir lui-même dicté l'adresse. Mais, avant qu'on clouât le dessus de la caisse, il déposa sur le pont du vaisseau en miniature une carte de visite portant ces mots « Navire destiné au petit marin, de la part du grand marin et avec toutes ses amitiés. » « Les enfants, madame, sont toujours flattés qu'on leur écrive, » dit-il, s'excusant, à la dame de comptoir. « Veuillez expédier cette boîte le plus tôt possible. Je désire vivement qu'elle parvienne demain à sa destination. » Il faisait à peu près nuit lorsqu'il revint avec ses bagages s'installer dans la maison meublée. Il ôta ses bottes dès le seuil de la porte et monta lui-même sa malle avec toutes sortes de précautions, s'arrêtant au premier étage pour avoir quelques renseignements. Mr. Merrick était là, prêt à les lui donner. « Il y a quelques minutes, lui dit-il, la malade était réveillée et divaguait, mais nous sommes parvenus à la calmer et maintenant elle dort. N'a-t-elle pas, monsieur, prononcer aucune parole qui puisse nous aider à découvrir les personnes sur l'intérêt desquelles elle doit compter? » Le docteur secoua la tête. « Il peut encore s'écouler bien des semaines, » répondit-il, « avant que l'histoire de cette pauvre jeune fille cesse d'être un secret pour nous. Et nous n'avons d'autres ressources que la patience. » Ainsi finit cette journée, inaugurant une longue série de jours désolés.